Radio 5-3. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is going to do it. Start audio upload now. Van Diepen's Dance Department. 1971 werd hij geboren in Delft. Daar komt meer goed vandaan. Hier is hij. Sander Kleinenberg. We'll be right back. Dance Department en Sander Kleinenberg. I'm Dance Department. You know there's going to be sex, drugs, rock and roll. Holland's most awarded and listened to dance program. Van Diepen's Dance Department. Live in the studio. Sander Kleinenberg. Si, le sentiment est intense, synthétique et sexuel. La musique est organique, le sol est vivant, mais les murs sont robotiques. Toutes les formes de la vie sexuelle convergent là, le grotesque, le beau, l'illumination, le naïf. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Le sentiment est intense, synthétique et sexuel. Je suis tranquille et me sens ailleurs mais pas seule. Et je ne sais pas pourquoi. D'être là me changera pour toujours. Je suis tranquille, je suis tranquille, je suis tranquille. Nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques. Nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques. Je suis tranquille et me sens ailleurs mais pas seule. Et je ne sais pas pourquoi d'être là. Nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques, nous sommes robotiques. We'll be right back. robotique, notre robotique, notre robotique, notre robotique. Sander Kleinenberg.